Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. La guerre dans la peau. Texte choisi par Michel Pomarède. Extrait de Yellow Birds de Kevin Powers et de Fin de mission de Phil Clay. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Cinquième épisode. La guerre, c'est celle que les Américains ont menée en Irak entre 2003 et 2011. La peau, c'est celle des combattants qui transpirent les combats, les explosions, la mort des insurgés et celle des compagnons d'armes. Mais aussi l'attente, la peur, l'ennui. Rentrés au pays, les soldats s'aperçoivent que la guerre est rentrée avec eux. Elle loge dans leur crâne, sous leurs ongles, dans leur peau. Ils se croyaient aguerris. Ils sont devenus incurables. C'est cette maladie qui ronge l'âme et le corps des hommes sous l'uniforme qui résonne dans ce cœur de voix. Ça y est, en Irak, c'est enfin la fin du déploiement pour certaines troupes américaines. Les soldats ont fait des rotations sur le terrain de 12, puis de 15 mois. Maintenant, il faut rentrer. Et pour certains, comme John Bartle, il faut laisser derrière soi l'ami de toujours, le frère, le jumeau, mort au combat et qu'on s'était juré de protéger. Je regardais par le hublot pour tenter d'apercevoir l'océan dès que notre avion quitta le tarmac. Une faible vague d'acclamations se dispersa de la cabine des premières classes jusqu'à l'arrière de l'appareil où étaient assis les simples soldats. Nos respirations se transformèrent en élan de joie lorsque l'avion s'élança dans les airs. Les officiers et les soldats les plus âgés retournèrent sur leurs confortables sièges, agitèrent leurs mains en vociférant, et nous nous mîmes à crier et à sourire, lentement, comme si nos corps étaient immergés sous l'eau. L'avion atteignit sa vitesse de croisière. La durée de vol entre l'Allemagne et les États-Unis était relativement courte. L'océan Atlantique constituait le dernier obstacle à franchir avant de rentrer chez nous, au pays de la liberté, de la télé-réalité, des centres commerciaux et des phlébites. Je me réveillais à la tête appuyée contre le hublot. Je m'étais endormi sans m'en rendre compte. Ma main se tendit pour se refermer sur la crosse absente d'un fusil. Un sous-officier assis à côté de moi, de l'autre côté du couloir, le remarqua et sourit. Ça m'est arrivé deux fois aujourd'hui. Je me sentis pas mieux. Je parcourus des yeux, le bataillon éparpillé dans l'appareil. Combien d'entre nous n'étaient pas rentrés ? Murph, trois spécialistes de la compagnie Bravo qui avaient été tués au Metz par un kamikaze, et quelques autres au fil de l'année. Un de la compagnie de commandement tué par un tir de mortier sur la base opérationnelle avancée, et un autre que je connaissais pas, qui s'était fait buter par un sniper. 10 autres. 20. Ceux qui restaient n'étaient plus que des silhouettes qui se dessinaient sur le bleu des sièges et le blanc des petits carrés de couverture dans lesquels ils étaient emmitouflés. Ils se raidissaient, grognaient, se tournaient sur leur siège classe affaires. Je regardais par le hublot. La nuit n'était pas tout à fait tombée, et pourtant mon corps l'avait senti venir quelques heures auparavant. Nous voyagions dans le sens du soleil, échappant ainsi momentanément à l'alternance jour-nuit. Seul le vrombissement des moteurs résonnait dans mes oreilles. Je tournais et retournais la même pensée dans ma tête sans pouvoir aller jusqu'au bout. Je veux rentrer. Soudain, la côte devint verte. À l'intérieur des terres, le sol était criblé de flaques bleues et de carrés marrons. Les terrains de jeu et les dédales de maisons s'étalaient de curieuses reproductions d'eux-mêmes. Et tout était vert. Incroyablement vert. Les arbres semblaient pousser sur chaque mètre carré de terre. Nous étions au printemps et certains d'entre eux étaient en fleurs. De là-haut, même les fleurs étaient vertes. Tout était si vert que j'aurais sauté de l'avion si j'avais pu, pour flotter dans ce verdoiement, ne serait-ce que l'espace d'un instant, pour en ressentir la réalité, l'entièreté, l'immensité. Et alors que je songeais à ma descente, que je rêvais à cette ultime bouffée verdoyante avant de me disperser sur la terre, je me souvins des derniers mots. Chez moi. Je veux rentrer chez moi. Je me souvenais de ce long mois de février au climat déréglé que nous avions passé au Koweït, séquestrés pour une durée indéterminée à attendre de rentrer à la maison. Nous devions subir une évaluation pour estimer notre capacité de réadaptation au monde. La compagnie était parquée sous une gigantesque toile de tente. Nous étions heureux. Heureux d'être loin au sud d'Al-Tafar, hors de combat. Les bancs étaient fermement plantés dans le sable et au fond de la tente, un officier prit la parole. « Messieurs, vous vous êtes bien battus. Vous aviez un bon commandement, donc vous êtes vivants. À présent, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Bon, je vais vous demander de remplir le formulaire qui se trouve devant vous. Ça va nous aider à mesurer votre niveau de stress. » Je vous garantis que celui qui croit ressentir le moindre, disons, trouble, bénéficiera des meilleurs soins psychologiques que le gouvernement peut offrir. Plus commodément, et de manière... Je commençais à regarder les questions tandis qu'il continuait de parler, oubliant où j'étais. Je m'immergeais vite dans le flot de pensées que le questionnaire suscitait et dans les séquelles psychologiques qu'on allait peut-être m'attribuer. J'ignorais la poussière, le discours suffisant de l'officier et l'étrange chaleur de ce mois de février. Question 1. Avez-vous participé au combat ? Je cochais oui. Question 2. Vous avez tué ou vu quelqu'un se faire tuer ? Évaluez votre état émotionnel en cochant l'une des deux cases ci-dessous. A. Ravi. B. Mal à l'aise. Ce questionnaire est une science exacte. S'il est mis en évidence que vous êtes dépassé par le stress, vous recevrez les soins des meilleurs médecins qui soient. Vous n'aurez même pas à partir. Vous rentrerez chez vous quand vous serez guéri et que vous aurez à nouveau la trique pour la patrie. Il gloussa ces mots, comme pour nous signifier qu'il était encore l'un des nôtres. Que Mère Armée nous aimait toujours autant. Me revint à l'esprit une chose que le sergent Sterling avait dite après la mort de Murph. Qu'ils aillent se faire foutre. Ouais. Qu'ils aillent se faire foutre. Telle serait dorénavant ma devise. Je cochais la case A. Je rentrais chez moi. On a tiré sur des chiens. Pas par accident. De façon délibérée. On avait appelé ça Opération Scooby. Moi, je fais partie des gens qui aiment les chiens, alors forcément, ça m'a fait gamberger. La première fois, c'était juste une réaction instinctive. J'entends O'Leary crier « Nom de Dieu !» Et là, je vois ce chien marron, squelettique, en train de laper du sang comme il boirait de l'eau dans un bol. C'était pas du sang américain, mais quand même, ce chien, il est là, en train de le laper. Je crois bien que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après ça, la chasse au chien était ouverte. Réveillez-vous ! Nous y sommes ! Je regardais à travers le hublot et aperçus une bannière qui s'agitait dans le vent, déchirée à l'extérieur du terminal. Elle nous remerciait pour le service rendu à la patrie et nous souhaitait un bon retour aux États-Unis. C'était tout. Mon esprit s'assombrit. Je vis une nation s'ouvrir dans la nuit. Quelques derniers mots des officiers et des soldats plus âgés et nous serions libérés. L'habituel devenait remarquable. Le remarquable ennuyeux. Et par rapport à ce qui se situait entre les deux, je me sentais abattu et perturbé. Le lieutenant nous donna les consignes de sécurité, les trucs standards. Pour finir, ne buvez pas si vous conduisez. Et si votre dame vous met en rogne, souvenez-vous... Au lieu de parler, donnez un baiser. Nous restâmes en formation serrée, jusqu'à ce que le premier sergent aboie. Rompez ! Mais nous nous dispersâmes pas dans toutes les directions d'un seul coup. Non. Ce qui restait de notre unité se dissolvait lentement, s'éparpillant à partir du centre, telle une flaque d'huile sur l'eau. Il y avait de la confusion dans les yeux des autres soldats. J'en entendis même certains dire... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Cela me traversa également l'esprit. Mais j'enfonçais mes ongles dans mes paumes jusqu'à m'écorcher la peau et je pensais non, pas question, carrément pas question. Quelque chose d'autre à présent. Les fantômes des morts occupaient tous les sièges vides devant lesquels je passais. Des garçons déchiquetés par des obus de mortier, des roquettes, des balles, des bombes artisanales. Au point que lorsque nous essayions de les transporter au poste médical avancé, leur peau se rétractait ou leurs membres arrachés tenaient à peine en place. Et je me disais qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient des copines chez eux ou des rêves qui, pensaient-ils, donnaient de l'importance à leur vie. Ils avaient eu tort, bien entendu. Vous ne rêvez pas lorsque vous êtes mort. Moi, je rêve. Quand on a atterri à Cherry Point, il n'y avait personne à nous attendre. Il faisait nuit noire, ça caillait. Et la moitié d'entre nous se payaient leur première gueule de moins depuis des mois. Mais putain, étant donné les circonstances, c'était vachement bon de se sentir patraque. On est descendu de l'avion et on a vu cette grande piste d'atterrissage vide, avec seulement une demi-douzaine de soldats portant l'insigne rouge du bataillon de transport des Marines et un groupe de camions alignés. Pas de famille. Ensuite, ils ont fait venir un groupe de bus et on est tous montés dedans, en se tassant un peu. Les M16 coincés dans tous les sens. On n'en avait rien à foutre d'avoir un canon braqué sous le nez, ça avait plus d'importance. Mais quand je me suis présenté au guichet et que j'ai rendu mon fusil, ça m'a coupé dans mon élan. C'était la première fois que je me séparais de mon arme depuis des mois. Je savais plus où mettre les mains. D'abord, je les ai mises dans mes poches, puis je les ai ressorties, et j'ai croisé les bras, et finalement, je les ai laissées retomber, inutiles, le long du corps. Une fois tous les fusils rendus, le sergent-chef nous a fait mettre en véritable formation de défilé. Un putain d'étendard flottait en tête de notre compagnie, et on s'est mis à descendre A Street au pas. Quand on est arrivé au niveau du premier baraquement, les familles ont commencé à pousser des acclamations. J'ai pu les voir qu'après avoir tourné au coin. Elles étaient là, un mur compact de gens qui brandissaient des pancartes sous les projecteurs, et les lumières étaient aveuglantes, dirigées droit sur nous, si bien que c'était difficile de regarder dans la foule et de voir qui était qui. Sur le côté, il y avait des tables de pique-nique, et un marine en tenue de camouflage Woodland faisait griller des hot-dogs. Et un château gonflable. Il y avait un putain de château gonflable. Et là, devant moi, tenant la pancarte, j'ai vu Cherin. Elle portait un short façon treillis et un débardeur, malgré le froid. Elle avait dû mettre ça pour moi. Elle était plus maigre que dans mes souvenirs. Plus maquillée aussi. Je me sentais tendu et fatigué et elle semblait un peu différente. Mais c'était elle. Nous étions entourés de familles souriantes et de marines épuisées. Je me suis avancé vers elle. Elle m'a vu. Et son visage s'est éclairé. Ça faisait bien longtemps qu'une femme m'avait pas souri comme ça. Je me suis approché et je l'ai embrassé. Je supposais que c'était ce que j'étais censé faire. Je suis tellement contente. Mais ça faisait trop longtemps. On était trop tendus tous les deux. Et j'ai eu l'impression que c'était juste du lèvre contre lèvre. Je sais pas. Elle s'est écartée, m'a regardé. Puis elle a mis les mains sur mes épaules et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est frottée les yeux, puis elle a passé les bras autour de mon cou, et elle m'a attiré contre elle. Son corps était doux, et il épousait parfaitement le mien. Tout le temps de ma mission, j'avais dormi par terre, ou sur des lits de camp en toile. J'avais porté un gilet pare-balles et j'avais eu un fusil accroché dans le dos en permanence. Pendant ces 7 mois, j'avais rien senti qui ressemblât à son contact. C'était presque comme si j'avais oublié cette sensation. Ou comme si je l'avais jamais vraiment connue. Et maintenant, je me retrouvais face à ce sentiment nouveau, à côté duquel tout le reste n'était plus que du noir et blanc, incapable de rivaliser avec la couleur. Puis elle m'a lâché, je lui ai pris la main, et après avoir récupéré mon bagage, on est parti de là. Tu veux conduire ? Bon sang, bien sûr que j'en avais envie. Alors je me suis mis au volant. Ça aussi, ça faisait longtemps que je l'avais plus fait. J'ai passé la marche arrière, j'ai reculé, et j'ai pris la direction de la maison. Je pensais que je me serais bien garé dans un coin noir pour me pelotonner contre elle sur le siège arrière, comme à l'époque du lycée. Mais j'ai sorti la voiture du parking et on a descendu le boulevard McHugh. En roulant sur le boulevard, je ressentais pas la même chose que dans le bus. Je me disais, c'est le chemin que je prenais pour venir au travail. Et tout était si sombre et silencieux. Je ne sais combien de temps nous restâmes ainsi enlacés. Mais j'oubliais le bruit des moteurs et des passants, les voix des voyageurs qui me remerciaient à la cantonade en nous voyant. Je n'avais conscience que de ma mère, et d'elle seule. J'avais l'impression de retrouver la sécurité originelle du ventre maternel, d'être protégé du monde extérieur dans ses bras qui entouraient mon cou. Je comprenais tout cela sans trop savoir comment. Pourtant, lorsqu'elle dit... Oh, John, t'es chez toi maintenant. Je ne la crus pas. Le trajet sur l'autoroute dans sa vieille Chrysler n'était pas très long, environ une demi-heure. Durant ce temps, je me surpris à scruter le paysage. Je m'imaginais là-bas. Pas comme le serait peut-être quelques mois plus tard, en train de nager en longeant les berges sous les branches des noisetiers et des aulnes noires, mais comme je l'avais été en Irak. Je me vis en train de patrouiller à travers champs, au bord de l'eau, dans la lumière matinale. J'avais transposé les événements d'un monde dans les contours d'un autre. Je cherchais un endroit où je pourrais me mettre à couvert. Une petite dépression entre un étroit chemin de terre et la rive s'était transformée en ornière où un camion avait dû salement s'enliser après la pluie. Et je me dis, ça ferait une très bonne planque, jusqu'à ce que des tirs de couverture nous permettent de nous replier. Cheryl m'a demandé... Comment tu vas ? Ce qui voulait dire, comment c'était ? Est-ce que ça t'a rendu dingue ? Bien. Je me sens bien. Et on est redevenu silencieux. Et puis j'ai tourné dans le boulevard Holcombe. J'étais content d'être au volant. Ça me donnait une activité sur laquelle me concentrer. Prendre cette rue, tourner le volant, prendre cette autre rue. Une chose à la fois. On peut venir à bout de presque tout en faisant une chose à la fois. Elle m'a dit... Je suis si heureuse que tu sois rentrée. Puis elle a dit... Je t'aime tant. Puis elle a ajouté... Je suis fière de toi. Moi aussi, je t'aime. Quand notre mission a touché à sa fin, ils nous ont expédiés à TQ, cette base logistique au milieu du désert, pour nous laisser décompresser un peu. Je sais pas trop ce qu'ils entendaient par là, décompresser. On a supposé que ça voulait dire passer son temps à s'astiquer le manche dans les douches, à fumer cigarette sur cigarette et à jouer aux cartes. Ensuite, ils nous ont envoyés au Koweït. Et là, ils nous ont mis dans un avion de ligne pour rentrer au pays. Ça va ? Ouais, moi, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire en premier, mon chéri ? J'aimerais bien prendre une douche et... Je sais pas... Dormir, peut-être. Il était presque midi. Nous étions au printemps et l'étang derrière la maison était paisible. Elle m'aida à porter mon sac militaire, puis je gagnais ma chambre. Je prépare le petit déjeuner, John. avec ce que tu préfères. Une intense lumière filtrait entre les lamelles en bois des stores. Je les fermais, étirais les rideaux, éteignis la lampe et actionnais la chaînette du ventilateur au plafond. Le ronronnement des pales couvrait le bruit de moteur, des voitures dans la rue et des casseroles qui s'entrechoquaient timidement. Je sentais l'odeur du gras, de l'herbe haute, du propre dans la maison et du cadre en bois du lit. Tout cela comblait un néant. Les bruits, les sons n'étaient là que pour occuper l'espace. Mon corps se raidit dans ce vide que j'appelais encore mon chez-moi. La chambre était sombre et fraîche. J'étais fatigué. Je pliais ma couverture et la posais sur la table de chevet. J'enlevais ensuite ma chemise, puis suspendu ma ceinture au montant du lit. Je m'assis sur le matelas et me penchai en avant pour délacer ma botte droite et retirer ma chaussette. Dans la pénombre, ma plaque d'identité militaire que j'avais enfilée dans les lacets de ma botte gauche brillait. Je la tripotais et me redressais. J'étais en train de disparaître, comme si je m'effaçais au fur et à mesure que je me déshabillais dans cette chambre obscure par une matinée de printemps. J'enlevais ma botte et ma chaussette gauche, pantalon, caleçon. Je n'étais plus là. J'ouvris la porte du placard et me tins debout devant le miroir en pied. Mes mains et mon visage avaient la couleur de la rouille. Le reste de mon corps, blanc et amaigri, se réfléchissait, droit, comme de son propre chef. Je soupirais et me glissais entre les draps frais. Mon esprit et mon corps s'agitaient et s'apaisaient sous le ventilateur. Les bruits de moteur résonnaient en s'approchant de la maison, puis s'évanouissaient peu à peu dans le lointain. Le sifflement aigu d'un train, au-delà des bois, retentit également. Le convoi semblait foncer sur mon petit lit, me tomber dessus, comme si j'étais devenu une sorte de masse attirant le bruit du métal et le métal lui-même. Mon pouls battait sous mes paupières. Je soufflais bruyamment chaque fois que la vague sonore déferlait pour aller se briser sur une autre cible. Je ne me rappelle pas mes rêves. Mais Murph était là. Murph. Et moi. Et les mêmes fantômes nuit après nuit. Je ne me souviens pas de ce dont je rêvais. Mais finalement, je m'endormis. C'était La guerre dans la peau, en direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Texte choisi par Michel Pomared. Extrait de Yellow Birds de Kevin Powers et de Fin de mission de Phil Clay. Avec Quentin Bayot, Eric Herson-Macarel, Johanna Nizar, Gabriel Dufeu, Farid Bouzenade, Myriam Derbal, Pauline Ziadé et Maya Bokeh. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale et conception sonore, Dominique Massa. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Mathieu Nombeau-Poati. Assistant à la réalisation, Louise Loubrieux, Lélio Ploton. Réalisation, Pascal Deux. Remerciements à Félix Blum. Les textes sont extraits de Yellow Birds de Kevin Powers, traduits par Emmanuel et Philippe Aronzon, publiés aux éditions Stock, et de Fin de mission de Phil Clay, traduit par François Happ, publié aux éditions Gellmeister. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.